ni belle, ni vigira. Eriko Iba, assure la mise en onde. Merci de rester toujours fidèle à nos programmes. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce lundi 26 août 2019. En voici d'abord les grands titres. Les fonctionnaires de l'État qui désirent incorporer les commissions électorales indépendantes au niveau des communes et des provinces au nom de la société civile sont invités à ne pas demander des mises en disponibilité en cascade. C'est l'appel lancé par la Commission électorale nationale indépendante et vous entendrez Philippe Nzobonariba qui en est porte-parole. Et six gouverneurs burundais des provinces frontalières de la République démocratique du Congo sont en réunion ce lundi avec le gouverneur du Sud Kivu au centre d'échange et la situation des réfugiés, la maladie à virus Ebola et des échanges commerciaux. En Ngozi, l'on parle d'une boisson prohibée dite Hura Hura qui refait surface au chef-lieu de cette province. Une situation que l'administrateur de la commune Ngozi dit connaître et promet la restriction de cette boisson. Le lundi, vous avez droit à la chronique sportive et aujourd'hui, l'on vous parle de la comptabilisation des points en badminton. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je vous le disais en titre, les questions d'ordre sécuritaire, les échanges commerciaux, les réfugiés et la maladie à virus Ebola sont au cœur d'échanges entre le gouverneur du Sud Kivu et les gouverneurs de six provinces frontalières au Sud Kivu, le maire de la ville de Bujumbura. Et cette autorité du Sud Kivu sont revenus sur le bon voisinage entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Suivez Théo Ngwabije Kassi, il est gouverneur du Sud Kivu. Notre présence ici nous permettra de passer en revue la situation sécuritaire, particulièrement la situation de nos frontières communes, la situation des échanges commerciaux, mais aussi les renforcements des bonnes relations entre la province du Sud Kivu et les différents gouverneurs de la République serre du Burundi. Nos populations, chaque jour, sont en contact régulier à travers les commerces qui se passe avec la République du Congo et la République du Burundi. Mais aussi, les mêmes populations vivent dans les deux pays sans problème. Et il y a aussi quelques préoccupations d'ordre sanitaire aujourd'hui que nous voudrions échanger avec la République du Burundi, tout particulièrement la maladie à virus Ebola et les mesures que la République démocratique du Congo a prises pour sauvegarder, pour contenir et surtout pour protéger nos populations. Je suis heureux, contrairement à d'autres pays, cela n'a pas créé de panique pour la République serre du Burundi, puisqu'on a vu que les échanges, la migration et la circulation à nos frontières ont continué comme par le passé. Mais il est important que nous puissions vous parler des mesures sécuritaires, les mesures sanitaires que nous avons prises pour que cette bonne relation, cette circulation continue à démarrer. Nous voudrions donc vous dire merci, puisqu'ailleurs on a paniqué. Mais le peuple du Burundi n'a pas paniqué, les autorités du Burundi n'ont pas paniqué, et ils ont continué à garder la circulation et les frontières ouvertes vis-à-vis de notre population. Ça, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance. La deuxième préoccupation, comme je l'ai dit, c'est quelques difficultés aussi que rencontrent nos populations vivant ici au Burundi. Il s'agit essentiellement des étudiants qui travaillent au Burundi. Et nous pensons qu'à l'issue de ces échanges, nous aurons aplani les divergences et surtout trouvé une solution aux problèmes posés par les étudiants congolais vivant au Burundi. Et puis la dernière préoccupation, c'est celle des réfugiés. Nous savons aussi que nous avons eu des moments difficiles qui ont occasionné les familles qui ont quitté le Burundi vers le Congo et aussi ceux qui ont quitté le Congo vers le Burundi. Et enfin, la dernière préoccupation, c'est cette nécessité de renforcer nos relations en matière de sécurité pour l'éradication des groupes armés qui cherchent à déstabiliser le Burundi et à déstabiliser le Congo. Justement, monsieur le gouverneur, concernant les mesures sanitaires, la population est appelée à ne pas se serrer la main pour éviter tout contact qui ferait qu'elle attrape le virus Ebola. En outre, pendant la messe, les chrétiens ne doivent plus se saluer pour se donner la main du Christ, doivent désormais recevoir des hosties par la main et non par la bouche. C'est le contenu du communiqué sorti par l'archevêque du diocèse de Bubanza, un communiqué qui a été lu dans les églises catholiques ce dimanche, n'est-ce pas, Spes Caritas Cavagnana? Dans son communiqué sorti par l'archevêque du diocèse de Bubanza ce dimanche, la population est appelée à la prudence puisque la maladie d'Ebola sévit actuellement à Uvira, dans le pays voisin, la République démocratique du Congo. Monseigneur Jean Ntagwarara appelle la population à l'hygiène et à bien se laver les mains dans le but de lutter contre cette maladie d'Ebola. Dans son communiqué, il interdit les chrétiens à se saluer au cours d'une action de grâce comme c'était d'habitude. Aussi, pour recevoir l'hostie, les chrétiens sont interdits de la recevoir par la bouche, mais plutôt utiliser les mains. Les habitants de cette province de Bubanza demandent aux forces de l'ordre et aux autorités administratives d'interdire et de fermer les passages illégaux empruntés par des gens, souvent des commerçants de fraude, qui passent à travers la frontière de la Rusizi sans être examinés de cette maladie d'Ebola. Ils demandent également que les autorités interdisent la chasse et la pêche dans la réserve naturelle de la Rukoko, limitrophe à la République démocratique du Congo. Les habitants de cette province de Bubanza demandent également à l'État de rechercher du vaccin contre cette maladie, comme ça a été le cas pour le personnel soignant des localités dites portes d'entrée de cette maladie, des localités frontalières aux pays voisins, la République démocratique du Congo. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. En page politique, et la Commission électorale nationale indépendante CENI demande aux fonctionnaires de l'État qui désire intégrer les commissions électorales communales et provinciales de ne pas demander des mises en disponibilité en surnombre. C'est après qu'il ait été souligné au cours de la rencontre des commissaires de la CENI avec les représentants des associations de la société civile que ceux qui avaient bénéficié de ces mises en disponibilité n'ont pas tous réintégré leur poste d'attache. Après ce travail de la CENI, le commissaire de la CENI demande plutôt aux responsables des associations de la société civile de privilégier les candidatures des sous-emplois et des jeunes chômeurs. Suivez Philippe Nzobonaliba, chargé de la communication et de l'éducation électorale au niveau de la CENI dans cette traduction française d'Evariste Nzikobanyanga. L'ancienneté, c'est un atout pour recruter les membres de ceci et de ceci, mais il ne faudra pas oublier les jeunes. Au cas où vous les aurez oubliés, ce n'est pas la CENI qui va les chercher. En deuxième lieu, vous avez évoqué la question de mise en disponibilité. Cette question a été également évoquée dans 4 ou 5 communes où je suis passé. Les intervenants ont évoqué que ceux qui ont travaillé dans les ceci n'ont pas réintégré leur poste d'attache. Ils sont allés plus loin pour demander si la CENI ne pourrait pas les embaucher pour le moment. Nous, au niveau de la CENI, on n'engage personne. Il y a ceux qui ont du travail bien rémunéré qui le perdent, arguant que la CENI donne un bon salaire. En ce moment, celui qui venait de passer des années de chômage va remplacer celui qui a demandé la mise en disponibilité. Je ne réponds pas au nom du gouvernement. Mais celui qui a demandé une mise en disponibilité, il lui est difficile de réintégrer alors qu'il a été remplacé. Malgré que vous évoquez beaucoup d'inquiétudes, cette question est toujours posée. Philippe Nzobonaliba, il est commissaire chargé de l'éducation électorale et de la communication au sein de la Commission nationale électorale indépendante. Après une courte pause, on va passer à l'ouest du pays pour parler de l'éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur Facebook. Allez sur Facebook, écrivez Isanganiro Burundi. Et n'oubliez pas de liker. Les élèves en vacances qui viennent de terminer les camps de travail d'été demandent aux autorités administratives de mettre à leur disposition le matériel scolaire chaque fois à la fin de cette activité. Le chef de zone Rugombo, où se déroulait ce camp, s'est excusé auprès de ses enfants. tout en promettant que pour les années à venir, ce matériel sera disponible. Alexis Ndaïlagidje, correspondance. Ces jeunes en vacances viennent de passer 20 jours dans un camp de travail en zone Rugombo. Ces jeunes évalués à plus de 100 remplissaient les sachets de la terre où seront placés les semences d'arbres et ont rempli plus de 35 000 sachets. Ils suivaient également les leçons concernant le patriotisme chaque fois après le travail manuel. Au moment où ce dimanche après-midi se faisaient les cérémonies de clôture de ce camp, ces jeunes ont déploré le fait qu'ils sont entrés sans être assistés en matière scolaire. Ils ont demandé que chaque fois, à la fin du camp de travail d'été, qu'ils puissent bénéficier de ce matériel, d'autant plus qu'ils pouvaient faire d'autres activités leur procurant de l'argent qui servirait de l'achat du matériel scolaire. Il est précisé que l'année passée, ils avaient bénéficié de la part de l'administration des cahiers, des stylos et des savons. Ils ont demandé l'implication dans ces camps d'été des enfants des autorités administratives en faisant remarquer presque l'absence totale de ces enfants. Le chef de zone Rugombo, qui représentait l'administrateur de la commune Rugombo dans ses activités, s'est excusé auprès de ces jeunes en vacances sur son matériel scolaire qui n'a pas été disponible cette année, en indiquant que l'année prochaine, l'administration communale doit tout faire pour rendre disponibles ces cadeaux aux élèves en camp de travail. En affirmant que l'association de lutte contre la drogue, qui assistait souvent la commune Rugombo dans ses activités, a envoyé seulement les formateurs dans le domaine du travail sans toutefois envoyer le matériel scolaire. Concernant l'absence presque totale des enfants des autorités administratives, le chef de zone Rugombo a précisé qu'ils vont sensibiliser les chefs de secteur afin qu'ils envoient leurs enfants dans les camps de travail pour les années à venir. Depuis Chibitoke, Alexis Ndaïlagidje, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndaïlagidje. De l'ouest du pays au sud du pays, la commune Rutanam, nous sommes au sud du pays, demande l'approvisionnement en eau potable et cet approvisionnement contribuerait à son développement selon les responsables administratifs de cette commune, n'est-ce pas Gérard Nibikira? La commune Msongati de la province Rutana n'est pas en mesure de payer le devis de 900 millions de nos francs pour son électrification, comme l'indique le conseiller technique de l'administrateur chargé du développement Nyanirusa. Artemon Félix ajoute que plusieurs activités fonctionnaient mal faute de courant électrique. Et nous accusons un manque criant de l'électricité parce que le centre de Msongati n'est pas électrifié. On a essayé de faire les études par la régie des eaux pour pouvoir électrifier le centre de Msongati via passer par la commune Minga Kayove. Mais jusqu'à présent, on a estimé un montant de 900 millions qui dépasse donc le montant que l'État du Burundi accorde aux communes pour son développement. Nous avons ici, par exemple, des secrétariats publics, mais on s'arrange avec les plaques solaires. Nous avons aussi un hôpital moderne à Msongati qui a un équipement très moderne, mais qui manque d'électricité. Nous avons aussi beaucoup de moulins, nous avons aussi beaucoup de salons de coiffure. Alors là aussi, on s'arrange pour trouver les plaques solaires. La population, quant à elle, voit beaucoup d'activités à réaliser une fois leur commune électrifiée. Par exemple, la soudure, il nécessite l'électricité. La conservation du lait, il y aurait de l'élevage pour nous donner du lait. Il y aura, par exemple, les secrétariats publics qui demanderaient de l'électricité. Hein, l'ordinateur, par exemple, on ne peut pas implanter l'ordinateur si on a de faibles courants. À la régie des eaux, l'on indique néanmoins qu'il n'y a pas de projet d'électrifier cette commune, mais que si elle paie le devis si haut évoqué, elle le sera. Trois communes dont Msongati ne sont pas électrifiées sur six communes qui composent la province Rutana. Depuis Rutana, Jani Bigira pour Radio Sanganyiro. Merci Gérard. Et ce n'est pas l'approvisionnement en eau, c'est plutôt l'approvisionnement en électricité. Et c'est pas en commune Rutana, c'est plutôt en commune Msongati. La bière prohibée dite au Rahura très alcoolisée qui avait été interdite en Godi fait sa réapparition au chef-lieu de cette commune. L'administrateur de cette commune dit en être au courant mais ni avant donné l'autorisation de sa vente ni de sa consommation. Rajabou Songambele promet la fermeture de tout bistrot où régnera le désordre dû à cette bière. Apollinaire Moutzakara. Cette appellation Rouaoua a été inventée par les consommateurs de cette boisson, à l'origine selon eux, beaucoup d'efforts en soufflant pour ne pas consommer des restes du sorgho utilisés dans la fermentation. Auparavant, ces preneurs l'appelaient Rugombo, une bière locale de banane issue de la province Chibitoke. Mais après, l'administration et la police ont constaté qu'il y aurait d'autres produits dans cette bière ajoutés en cours de route, produits qui la rendent trop alcoolisée jusqu'à l'adoption des comportements déviants, d'où la décision de l'interdiction de cette boisson en gauze. Cette boisson prohibée refait ces jours-ci surface en gauze. Bon nombre d'habitants du centre-ville indiquent qu'elle est bel et bien vendue et consommée sans être inquiétés, principalement aux endroits communément appelés Burengo, à la ferme et à Kinyam. Les détenteurs d'hôtel bistrot n'en disent pas beaucoup. Ils expliquent tout simplement être en possession d'une autorisation. L'administrateur de la commune Ngozi ne nie pas la présence de cette boisson actuellement dans sa ville, mais rejette toute autorisation de sa part. Son gambéré d'Adjabou annonce néanmoins qu'il ne doutera pas à fermer tout bistrot caractérisé par l'insécurité causée par cette boisson. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire Muzagara. Une nouvelle en rapport avec le commerce. En bref, la clôture en tôle qui était érigée autour de l'ex-marché central de Bujumbura a été en grande partie enlevée. À l'intérieur de cette place qui fut le point de rencontre des marchands et acheteurs en provenance de différents coins du pays, s'observent différentes sortes d'arbres poussés. Mais différentes activités s'exercent autour de cet espace. Il y a presque une année, le Conseil des ministres avait adopté le mémorandum d'entente pour le projet de reconstruction du dit marché à Mol avec une entreprise chinoise. Radio Isanganiro, chronique sport. Le match de badminton se gagne par 2-7 comprenant 21 points chacun. C'est l'explication du président de la Fédération burundaise de badminton en ce qui est du système d'arbitrage. Ebedi François Ndondo fait savoir qu'un match de badminton est régulé par plusieurs arbitres sur base des lois régissant la Fédération internationale de badminton. Les détails, c'est dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cadeneta. Auparavant, le match de badminton prenait beaucoup de temps pour se terminer, mais après l'introduction de nouveaux modèles de comptage des points en 2006, le match se gagne seulement en 2-7. C'est l'explication d'Abedi François Ndondo, président de la Fédération burundaise de badminton. Le match de badminton se gagne par 2-7. Ça peut être 2-7 à 0 ou 2-7 à 1. Ici, comprenez que avant 2006, les 7 se comptaient à 15 points. Pour donc gagner en 7, il fallait arriver jusqu'à 15 points. Mais après 2006, avec ce que nous avons appelé en badminton le new scoring system, ça nous a amené à un set de 21 points. Donc, il faut avoir 21 points pour gagner en 7. La conséquence des 7 à 15 points, c'était que les matchs étaient trop longs. On pouvait avoir des matchs qui duraient 2 à 3 heures. Mais après l'introduction de ce nouveau système de comptage de points, maintenant les matchs les plus longs ne peuvent pas dépasser rarement 1 heure. Il y en a qui vont jusqu'à 1h20, mais vraiment, ce sont des matchs qui sont les plus disputés. Globalement, la moyenne, c'est entre 30 et 1h, donc la durée actuelle des matchs de badminton. En ce qui est du système d'arbitrage, Abedi François Ndondo indique qu'un match de badminton est arbitré par un arbitre central qui veille aux autres unités affectées au match. L'arbitrage au badminton, c'est que à chaque compétition ou à chaque tournoi, il faut désigner ce que nous appelons un juge arbitre. C'est l'équivalent d'un commissaire de match dans d'autres sports. Pour donc arbitrer le match, il faut également ce que nous appelons un umpire. Ça peut être ce qu'on appelle arbitre ailleurs. Et le match de badminton s'arbitre à plusieurs. Donc il y a d'abord l'umpire qui lui est le responsable de toute la rencontre. Il veille à la coordination des autres unités affectées à l'arbitrage du match. Plus donc de l'umpire, il y a ce que nous appelons le juge de service. Lui, disons, il veille à ce que les services soient bien effectués de tous les côté dans tous les compartiments du terrain. Et en plus du juge de service, nous avons ce que nous appelons les juges de ligne, qui veillent aux différentes lignes. Il y a les lignes de service long, il y a les lignes de côté. Donc, il y a toujours les juges de ligne qui doivent veiller et qui doivent juger là où le volant est tombé. Il y a plusieurs unités qui sont mises à contribution dans l'arbitrage du match de badminton. Selon ce président de la Fédération burundaise de badminton, ces arbitres se focalisent sur les lois de la Fédération internationale de badminton dont le Burundi est membre. Les lois qui sont utilisées dans notre sport, ce sont des lois qui vient de la Fédération internationale de badminton dont le Burundi est aussi membre. Donc les lois se discutent. Chaque année, il y a une assemblée de la Fédération internationale. C'est à partir donc de ce cadre que nous discutons de tous les règlements, de toute la législation autour de notre sport. Dans la prochaine chronique sportive, Abedi François Ndondo nous parlera de comment le badminton est organisé au Burundi et les défis auxquels font face les pratiquants de ce sport. Merci Marie-Claire Cazenez. Avant de clore cette édition, une nouvelle internationale. En bref, là, en République démocratique du Congo, RDC, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement vers 5h du matin, heure de Kinshasa, 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Les tractations ont été longues et difficiles pour parvenir à former ce gouvernement de coalition entre les plateformes du président Tshisekedi et l'ex-président Kabila, qui a conservé la majorité au Parlement selon la Radio France Internationale. Et le nouveau gouvernement a été dévoilé cette nuit. Comme je le disais, après 7 mois d'entente, il comptait 76,9% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement. Au total, ce nouveau gouvernement comprend 65 membres, 42 sont issus des rangs du Front commun pour le Congo, FCC, la plateforme pro-Kabila, et 23 du cap pour le changement catch. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Marie-Claire Kazeneza et Placide Niyomungere pour la réalisation. Je dis également merci à Rick Wimana pour la mise en onde. Disney Barico était du côté de caméra. Je lui dis également merci. Excellent après-midi à tous. Au revoir.